Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film tiré d'une histoire vraie. Philip Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écolos qui voulaient sauver une colonie de scarabées. L'arrêt des travaux avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région. Philip y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie. On nous a pas prévenu il y a 2 ans quand les travaux s'arrêtaient et maintenant on nous prévient même pas qu'ils peuvent reprendre. Je sais pas, moi je trouve ça un petit peu... On raconte que vous êtes venu pour l'autoroute. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non? Quelle idée est arrivée hier soir? Il va falloir faire travailler en priorité les entreprises de la commune. C'est l'homme providentiel de M. Philip Miller de la société GMTR. Non mais je comprends pas, votre société c'est une filiale d'un groupe gigantesque. Et tu trouves pas bizarre qu'on ait vu personne encore? La CGI, la DDE? Vous avez bien une banque, des comptes, enfin, il y a toute une organisation. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Regarde comme c'est beau. Je veux pas que tu me mentes. Je sais pas qu'on pouvait ressentir ça. Les gens parlent. Ils ont peur de se faire avoir encore une fois. Elle est où cette route? Elle va où? César 2010 de la meilleure actrice pour un second rôle pour Emmanuelle Devos dans À l'origine, avec François Cluzet et Gérard Depardieu, un DVD Fox Pathé Repas.